Alors Monique Piton, qui ne pouvait pas donc hélas être avec nous ce soir, nous a transmis un texte dont je vous lis juste quelques extraits, mais qui fait directement écho justement à cette rencontre face à la caméra. Donc elle explique que la première fois, elle explique, je la cite, « La première fois que Carole est venue filmer à Lippe en 1973, on ne savait pas qui elle était. Quand elle a dirigé sa caméra sur moi, j'étais toute excitée. J'ai balancé quelques revendications en criant un peu parce que je croyais qu'elle allait me couper la parole. Nous, ceux de la base, principalement les femmes, on ne nous laissait jamais finir nos phrases. Je crois que j'ai bafouillé, n'osant détailler. Et puis, j'ai constaté que je pouvais parler, aller jusqu'au bout de ce que je souhaitais dire. On souffrait de ces interviews déformées par les journalistes, mais on n'avait personne pour nous entendre. Les journalistes, même de gauche ou anarchistes, n'écoutaient pas les femmes ordinaires. Ils s'adressaient aux leaders, aux hommes. On ressentait cette injustice, cette discrimination, mais c'était comme ça. Puis on a mieux connu Carole Rousseau-Poulos et Paul. On a constaté qu'on pouvait leur faire confiance. On ne savait pas trop ce qu'ils faisaient des films au début, des films dans lesquels on s'exprimait. Mais leur attitude d'écoute nous donnait à penser que notre parole n'était pas perdue ni trahie. Et puis, Carole nous a montré des vidéos faites dans les années précédentes. Alors, mes camarades et moi comptions carrément sur eux. » Et cette bande vidéo, effectivement, est la première d'une série, je le disais tout à l'heure, donc, qui constitue les chroniques de Lippe, 6 films tournés par Carole et Paul Rousseau-Poulos avec l'aide d'autres personnes au sein de Video Out. Ils n'étaient pas seuls. Dominique, je pense que tu as d'ailleurs tourné certaines des images qui sont utilisées dans les différents films. Et l'idée était vraiment de relayer la parole, le point de vue des membres du comité d'action. C'était quand même très clair, mais il ne s'agissait en aucun cas, c'était clair aussi pour Carole et Paul Rousseau-Poulos, de taper sur les syndicats. Ce n'est pas parce qu'ils souhaitaient relayer le point de vue du comité d'action qu'ils voulaient pour autant discréditer éventuellement quelques points de désaccord qu'ils pouvaient avoir avec la CGT ou avec la CFDT. L'unité de leur point de vue devait être à tout prix maintenue. Leur n'était pas à rendre public une contradiction, les contradictions internes au mouvement, puisque l'heure était à la lutte immédiate. Cela dit, c'était bien la parole avant tout des femmes, et c'est dans la lignée directe du coup d'ADP, la parole des femmes chez Lippe qu'ils entendaient relayer, dont ils entendaient se faire le haut-parleur en quelque sorte. Ces femmes qui avaient donc des difficultés pour intervenir, qui n'osaient pas, qui ne s'autorisaient pas finalement à des interventions, jusqu'à ce que finalement, de plus en plus, Video Out les sollicite dans la lignée finalement de cette première bande vidéo. Alors, elles ont été la série entière, en fait, semble-t-il, mais là après je te relaisserai la parole, pas très bien reçue, surtout celle tournée en 1976, toujours avec Monique Piton, et en particulier un sketch qu'elle fait où elle remplace en fait elle établit un parallèle en fait entre racisme et sexisme pour mieux faire comprendre le sexisme subi par les femmes de la part des syndiqués, en particulier en l'occurrence la CFDT. Et elle établit donc tout un discours où elle remplace le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Et ces bandes ont été, Dominique Dubosc tout à l'heure, en fait c'était à ces bandes qu'il faisait allusion, ont été très mal reçues. Donc ça c'est une bande de 1976. Et Paul Rousseau-Poulos, récemment, quelques jours après son intervention dans ce même séminaire, quand j'ai fait un nouvel entretien avec lui, et il était très clair à ce sujet, il disait « Quand un film, à propos de Lippe, toujours, quand un film sur la lutte des classes était diffusé, il n'y avait pas de problème. C'était presque un genre de discussion consensuel. Mais dès que tu sortais par exemple un film, et en particulier une vidéo sur l'homosexualité ou les femmes, c'était un combat immédiat. Le mec devenait fou dès qu'il était question des femmes. Il pensait qu'on le visait personnellement, c'était un blocage, on était quasiment sifflé. C'était un vrai combat, donc on voyait très bien où l'intervention devait arriver. C'était là le vrai problème. Autrement dit, eux, ils interprétaient les réactions d'hostilité comme un signe de la justesse de la cible, finalement, qu'ils avaient, entre guillemets, attaqué. Donc, il me semble que cette série, effectivement, des chroniques de Lippe, révèle bien, finalement, Bon, là, on n'a pas le temps de voir malheureusement les extraits que l'on avait préparés aussi pour Video Out. Mais dans les films Lip 5 et Lip 6, qui tous deux ont été tournés en 1976, il y a une mise en abîme des vidéos qui ont précédé. Autrement dit, des extraits de Lip 1, Monique, l'extrait notamment, un extrait qu'on vient de voir, est repris dans Lip 5, qui est recommenté, notamment d'ailleurs par Monique elle-même. Et le sketch qui est mis en scène dans Lip 5, que je viens de mentionner sur la comparaison racisme et sexisme, est lui-même recommandé dans Lip 6. Si vous voulez, dans ce film, on a carrément tout un discours, et notamment de Marcel, que l'on voit ici à l'écran sur un petit moniteur, expliquant que précisément la vidéo est utilisée en interne pour relayer des points de vue qui autrement ne seraient pas entendus, n'étaient pas entendus. C'est-à-dire que, comme le disait Monique Piton, quand finalement on prenait la parole face à la caméra, on ne pouvait pas nous couper le sifflet, disait-elle. C'est-à-dire que soit les gens, ils s'asseyaient devant le petit moniteur, là en l'occurrence, c'est un extrait de Lip 6, où on voit un extrait de Lip 6, il y a vraiment une mise en abîme dans la bande elle-même, donc c'est Marcel qui prend la parole, et là c'est un exemple du dispositif de projection dans les couloirs des usines Lip, donc à Besançon. Et finalement, les militants, donc se posant devant le moniteur, eh bien, ils étaient plus ou moins contraints d'écouter le discours, ou alors ils se barraient, mais ça se voyait, ce qui pouvait arriver. Et dans Lip 6, il y a tout un commentaire qui est fait par Jacqueline et Marcel, et qui est recommandé, c'est filmé ce commentaire, par Charles Piaget lui-même, de ce premier sketch de Lip 5 de Monique Piton. Donc il y a vraiment un usage, une imbrication comme ça extrêmement intéressante, et un usage de la vidéo en interne pour se parler entre militants, qui est très particulier au travail mené par Carole et Paul Roussopoulos, et Video Out, à Lip. Et pour en revenir à la réception du sketch, et après on vous passe la parole, et puis on demande aussi la réaction évidemment à nos invités, mais pour revenir quand même à la réception de ce fameux sketch que l'on mettra en ligne, qui est déjà en ligne, et puis on va vous mettre des choses sur le carnet de recherche, parce qu'en particulier aujourd'hui, on n'a vraiment pas du tout fait le tour de ce qu'on avait prévu. On va vous mettre des extraits, de la matière, des textes, pour que voilà, qu'on soit moins frustrés de ne pas être arrivé au terme de cette séance. Toutefois, donc, une parole, là encore, de Carole, cette fois Roussopoulos, à propos de la réception de cette bande Lip 5 et du sketch, donc, qui a fait polémique. Elle explique que les syndicalistes de Lip ont carrément menacé, dit-elle, de casser le matériel, de nous casser la gueule et de nous dénoncer dans les médias, parce que pour eux, nos critiques faisaient le jeu du système. Donc les attaques ont été, semble-t-il, assez violentes. Je terminerai là-dessus avant que l'on passe la parole à la salle. Il faut dire aussi que la brochure Lip au féminin a été interdite de diffusion au moment des portes ouvertes, et ainsi que la tenue d'un stand femme. Hein. Un blackout sur cette question-là. Et ce qu'on constate dans la production d'images en mouvement autour des conflits Lip, comme le disait en introduction tout à l'heure Franck, finalement il y a une sorte de glissement dans le type d'image produite. Autour du premier conflit, finalement c'est vraiment des images dont la nature, spécificité du mouvement social qui est en train de se construire effectivement et émerge, c'est assez, je ne vais pas dire classique le type d'image, mais c'est en tout cas peut-être moins spécifique, c'est un peu caricatural forcément ce que je suis en train de dire là, que ce qu'on trouvera en tout cas dans le type d'images produites à partir de 1976, qui sont quasiment toutes articulées autour de cette question des femmes, que ce soit par ADP, en vidéo toujours justement, ou au sein de Video Out. Alors en réalité, il y a quand même un film, Lip 76, fait par la commission cinéma, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est la question des femmes qui devient prédominante en 76, mais dans un contexte où, par ailleurs, ça a été dit par Franck, on n'est pas du tout, comment dire, c'est plus un contexte très réjouissant d'espoir, c'est très triste finalement le deuxième conflit. Là, pour moi, il y a vraiment une cassure effectivement à partir de 75-76, dans aussi la façon dont les luttes antinucléaires, les luttes féministes, tout ça ont émergé par rapport aux luttes, la classe ouvrière étant le moteur de la révolution, quoi, en gros, pour faire bref, quoi. Et je crois que nous, on s'est situé dans ce basculement aussi, dans cette période vachement importante, quoi, où sont apparus les cerisets, plein de films. Les cerisets, c'était avant. C'était avant, ou alors toutes les autres luttes anti-nucléaires. Cerisets étaient contemporaines de livres. Contemporaines, oui, c'est ça, contemporaines. En juin, du premier conflit. Donc c'est une période, c'est vrai, que vachement importante au niveau des transformations.